je suis né et qui m'a donné la vie. Je ne sais pas qui m'a créé et qui m'a soufflé l'énergie. Je ne sais pas qui me la reprendra, qui me soufflera la flamme. Je ne sais quand, comment, pourquoi. Alors respect, respect man. L'intense bonheur d'être deux, l'amour qui en émane.